ferais sans sous? Qu'est-ce que je ferais sans sous? Trop jaloux, trop d'espi. J't'aime plus, me tell me. J'aime mais les gens m'ont dit c'est rien, y'a que des ennemis. J'suis pas le Milan ni le Barça, moi j'suis la Dream Team. J'suis tellement mis sur vêt, j'arrive même plus à mettre un petit jean. Jean, jean, à la table, happy birthday to you. Chemise, mariage et toutes les miss crient you, you. J'suis Paris Cross, mais des fois j'suis en mode Eminem. On check ça, fait des capas, ça a pris des peines de criminels. Ressens le sang, gros, là faut que tu censures. Si j'crois certains MC, va y avoir du censure. On s'en sort. Écoute ce que j'dis, mon check me dit c'est censé. Tu mens pas, c'est vrai, avec la police on est censé. Putain de merde. Qu'est-ce que j'ferais sans son? Là j'suis là, j'me dis putain. Qu'est-ce que j'ferais sans sous? Qu'est-ce que j'ferais sans sous? Qu'est-ce que j'ferais sans sous? Qu'est-ce que j'ferais sans sous? Qu'est-ce que j'ferais sans sous? J'me rends compte gros qu'aujourd'hui c'est plus pareil. Dans mon quartier c'est mort, y'a des gens que tu connais, ça fait deux jours. Rien de rigolo, c'est trop la crise, roule un polo. Ça roule cagoulé en polo, les gants, la veste noire en porio. Ça braque, parce qu'y'a pas un doro. Ça c'est pas se battre, ouais, ça croit que ça peut niquer son taureau. J'sais que j'vais finir enterré, j'sais qu'au quartier j'suis pas la terreur. Les gens trahissent mes cœurs, mais ça on peut pas adhérer. Mes bons potos sont en dol, j'rêve qu'ils prennent leur envol. Ils te diront tous t'es mon frère mais ne les écoute pas. J'suis plus ton pote gros, c'est rien t'inquiète next. Ça parle de tout au checks, mon effort le drogue sexe. Trop vénère depuis le temps. Un pétou il t'embarque, ne fais pas de mac avec nous. Tiens mec écoute la techno, on a les pecs nous, on n'est pas des pecs nous. Juste un peu, juste un peu. On n'est plus que trop outils car le reste ils sont condamnés. Et au quartier ça veut du shit à l'herbe. Ça a voulu taffer un gros, ça nous a dit nique ta mère. À la citrée c'est trop chiant. Et je peux t'y venir trop de chien. Et ouais ça veut te marcher dessus après quand tu dis trop de chien. Chien, jamais deux boules. J'arrive au check flash à la mêle. Dans la poche comme jamais deux pouces. Et vas-y pousse toi. C'est des victimes, ceux qui s'embrouillent et qui disent t'es doux toi.